Bienvenue à La Connexion. Cette semaine, sur YouTube, deux ambulanciers dans l'embarras. Wikipédia déclare la mort de Sinbad prématurément. Google prépare son Google Phone et j'en veux deux. Et à Singapour, une relation amoureuse par Internet coûte cher. L'émission virale commence tout de suite. C'est l'heure du jeu. La Connexion, Hey, bonjour, je m'appelle Mathieu Plante et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de ce qui s'est passé et de ce qui s'en vient dans votre monde, celui de l'informatique et des jeux vidéo. Comme à chaque semaine, on commence par faire le tour des nouvelles dans la boucle, mais avant, on continue notre série en concert, Chorus Symphonic Cinematic Interpretation. On a entendu jusqu'à maintenant les pièces 1 à 10, on est rendu à la 11e. Voici The Massive Moon par Ellie Wu 2 et on en parle après à La Connexion, à CFO 89.fm. Dot com. de Massamoon par LEU2. Ça vient de la pièce Frog Steam du jeu Chrono Trigger sur Super Nintendo. C'est dans la collection Chrono Symphonic Cinematic Interpretation, dans la série En Concert, dans l'émission La Connexion à CFOU 89.1 FM. Donc, ça vient du tableau, comme je disais, Frog Steam de ce jeu Chrono Trigger sur Super Nintendo. Allez voir chrono.ocremix.org pour plus d'informations sur la série ou passez par le site de l'émission sur le unechance.com. Le lien est déjà là. C'est l'heure de la boucle. Vos nouvelles dans l'informatique et dans les jeux vidéo cette semaine, ce qui s'est passé dans votre monde. Commençons par Google, qui va adopter dans les prochains mois de nouvelles mesures afin de respecter davantage la vie privée des internautes qui utilisent son moteur. Dans un message publié mercredi, Google explique que certaines données qui sont collectées lorsqu'un internaute effectue une recherche sur son site vont être effacées à un intervalle régulier de 18 ou de 24 mois. Par exemple, l'adresse IP, l'adresse de protocole Internet d'un internaute qui a effectué une recherche va être en partie effacée, ce qui va éviter la possibilité de la retracer précisément. Google va supprimer aussi de sa base de données les informations qui proviennent des cookies, ces petits fichiers transmis par le serveur au navigateur lorsqu'un internaute visite un site web et qui servent à adapter le contenu du site à ses habitudes. Ces nouvelles mesures devraient entrer en vigueur au cours de la prochaine année, selon la compagnie dans son message. La décision de la compagnie californienne est un énorme changement dans ses habitudes. Elle survient notamment après une dispute juridique l'année dernière où le gouvernement américain lui demandait de fournir certaines données colligées grâce à son moteur de recherche, ce que Google a refusé. Maintenant, ça va être vraiment beaucoup plus facile de refuser parce qu'ils n'auront pas les informations. Deux employés de la coopérative ambulancière de la Mauricie ont été suspendus pour un mois après qu'ils aient été vus dans une vidéo diffusée sur le site YouTube en train de danser au son de la musique rap alors qu'ils écoutaient au volant de leur véhicule ambulancier. Les images auraient été captées par un téléphone cellulaire et l'enregistrement qui en a émané a été soustrait du portail plus tôt cette semaine, selon TVA. Les deux hommes âgés dans la vingtaine travaillent pour la coopérative ambulancière de la Mauricie depuis un an. Depuis il y a quelques semaines, un policier de Montréal qui avait composé une chanson très critique à l'endroit des accommodements raisonnables avant de la diffuser sur le web avait dû comparaître devant le comité des enquêtes internes du service de police de la ville de Montréal. Il n'avait pas subi les foudres de son employeur. Le président de la Fraternité des policiers de Montréal avait alors émis l'opinion que les chartes garantissent la liberté d'expression. Ces propos avaient été partagés par le spécialiste de liberté d'expression à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, Pierre Trudel, qui précisait que la liberté d'expression demeure complète, même si on est policier, médecin ou avocat. Le policier avait toutefois agi dans sa vie privée, non pas en uniforme, et il était dans ses temps libres. L'encyclopédie en ligne Wikipédia, dont le contenu peut être librement modifié par les internautes, a faussement annoncé cette semaine la mort du comédien américain Sinbad, qui s'appelle en fait David Adkins. L'article biographique sur l'acteur de 50 ans aurait été modifié la semaine dernière, mais la rumeur comme quoi Sinbad est décédé d'une crise cardiaque a pris quelques jours avant de se rendre au principal intéressé, qui est bel et bien vivant et en bonne santé. Un internaute a corrigé l'article biographique dans la journée de samedi, mais un autre internaute a ensuite réécrit que l'acteur était décédé, pensant que l'article n'avait pas été mis à jour correctement. La confusion a régné ainsi jusqu'à jeudi dernier, lorsque les gestionnaires de Wikipédia ont finalement décidé de bloquer temporairement toute modification à l'article. Et là, je cite, « J'ai vécu la résurrection avant de mourir à nouveau pendant la semaine », a s'est déclaré, amusé à l'agence Associated Press, Sinbad, une très bonne personne. Le mot « wiki », qui désigne une page web qui peut être modifiée librement par tous les internautes, vient de se trouver une place dans la nouvelle édition du dictionnaire anglais Oxford, en compagnie de 287 autres mots nouvellement acceptés. Ils ont suivi l'évolution du mot depuis plusieurs années, et ils ont cherché à comprendre son origine, et ils ont finalement décidé de l'inclure dans cette édition. Lors d'une entrevue avec l'agence de presse Reuters, Graham Diamond, le chef de la section des nouveaux mots, a souligné que le concept de wiki reflète très bien les méthodes utilisées dans la conception du dictionnaire, considéré comme le régent de l'évolution de la langue anglaise dans le monde. La création du dictionnaire Oxford repose sur une tradition vieille de 150 ans de collaboration avec le public. Et on rappelle que wiki provient du mot hawaïen wiki-wiki, qui signifie « rapidement ». Intéressant. Google serait en train de travailler sur le projet de téléphone cellulaire. C'est ce qu'a confié la semaine dernière aux médias la directrice de la division en Espagne et au Portugal de la compagnie. Selon elle, certains ingénieurs de Google travaillent présentement à développer un téléphone cellulaire pour permettre aux personnes qui n'ont pas d'ordinateur personnel d'utiliser Internet. La semaine dernière, lors du congrès Cybit à Hanover, en Allemagne, un analyste britannique aurait également rencontré un représentant de Google qui lui aurait affirmé qu'un tel projet existe bel et bien. La compagnie n'a toutefois pas voulu confirmer cette nouvelle rumeur, disant que la téléphonie cellulaire est un domaine important pour Google. Nous continuons à créer des logiciels pour certains fournisseurs et à établir des partenariats avec eux, mais nous n'avons rien de spécifique à annoncer. Depuis 2005, la compagnie californienne a fait l'acquisition de différentes compagnies spécialisées dans la téléphonie cellulaire, dont Android, Tikiya et l'entreprise canadienne Arec Wireless. Le populaire site de partage de vidéos YouTube va tenir dimanche prochain sa première remise de prix virtuel à l'image des Oscars d'Hollywood. Les YouTube Video Awards vont récompenser les créateurs de vidéos diffusées en 2006 dans sept catégories, dont la vidéo la plus inspirée de 2006, la meilleure comédie et le musicien de l'année. Un prix va être également remis aux meilleurs commentaires vidéo de l'année. Les utilisateurs enregistrés vont pouvoir voter pour leur vidéo préférée jusqu'à vendredi, soit deux jours avant la remise des prix. Les gagnants vont recevoir un trophée et vont être invités à faire leur discours de remerciement ou sur YouTube, évidemment. Par cette remise de prix, ils veulent mettre en évidence certaines vidéos qui méritent une attention particulière. Parmi les candidats se retrouve Paul Robinette pour du film Renetto, le vidéoblogueur Peter Oakley pour celui qu'on appelle Geriatric 1927. Renetto, c'était le nom d'utilisateur de Paul Robinette, et le groupe de musique OK Go pour leur vidéoclip Here It Goes Again, celui où ils dansent sur des tapis roulants. C'est génial. 32 universités du Kenya et du Rwanda vont bénéficier de logiciels fournis gratuitement par Google. C'est ce qu'a annoncé la compagnie lundi. Les étudiants, professeurs et employés de ces universités africaines, est-ce que je dis américaines? Africaines, auront accès à la suite de logiciels Google Apps Education Edition, qui comprend notamment un traitement de texte, un calendrier et des logiciels de messagerie instantanée et de téléphonie par Internet. Au Rwanda, l'Université nationale, l'Institut pour l'éducation et l'Institut des sciences et technologies de Kigali vont être les premières institutions scolaires à avoir accès à la suite de Google, ce qui représente aux environs de 20 000 utilisateurs. Au Kenya, les 50 000 étudiants de l'Université de Nairobi vont être les premiers à pouvoir bénéficier de cette application, mais la suite logicielle va pouvoir ensuite être utilisée par 150 000 étudiants provenant des autres universités du pays. Une Singapourienne de 36 ans vient de recevoir une peine d'emprisonnement de 6 mois pour avoir entretenu une fausse relation amoureuse sur Internet avec un Américain d'origine indienne afin de lui soutirer de l'argent. Bharani Indran a appris à ses dépens qu'il faut être prudent lorsqu'on entretient une relation amoureuse sur Internet sans jamais avoir rencontré l'autre personne. En 2004, l'Américain a fait la connaissance de Malia Ramu, 36 ans, lorsqu'il clavardait sur Internet. En très peu de temps, la Singapourienne lui a proposé qu'il se marie prochainement. Éperdument amoureux de sa nouvelle flamme, ou plutôt d'une photo de l'actrice bollywoodienne Gayatri Joshi, l'Américain n'a pas hésité lorsque Malia Ramu lui a demandé de lui envoyer un chèque de 45 000 $US afin de payer les funérailles de sa mère. Le doute s'est cependant installé dans la tête de Bharani Indran lorsque sa prétendue amoureuse lui a à nouveau demandé de l'argent l'été dernier. L'homme a alors alerté la police de Singapour. À leur arrivée à l'appartement de Malia Ramu, les policiers sont également tombés sur l'époux légitime de cette dernière, qui n'était aucunement au courant de la relation par Internet qu'entretenait depuis 2 ans sa conjointe avec un pur inconnu. Parlant de nouvelles un petit peu tordues, 5 pères de famille n'ayant pas respecté leurs obligations alimentaires envers leurs enfants ont été retrouvés en Ontario grâce à un site Internet où leurs photos avaient été affichées, a fait savoir le gouvernement ontarien lundi. Le gouvernement soutient que son programme « Les bons parents payent » constitue un succès retentissant, mais certains disent que le gouvernement devrait attendre pour se réjouir que les familles affectées puissent toucher les paiements de pensions alimentaires dues à leurs enfants. Le site Internet « Les bons parents payent » a reçu près de 17 millions de visites au cours du dernier mois, qui ont permis de recueillir environ 200 informations du public. Les personnes dont le nom est affiché sur le site Internet sont inscrites au Bureau des obligations familiales, mais n'ont pas versé la pension alimentaire due et sont introuvables. Ils ont admis que le fait de retrouver les parents qui n'ont pas versé leur paiement de pension alimentaire ne signifie pas qu'ils vont payer immédiatement les sommes dues, mais c'est un pas en avant. Des députés de l'opposition se sont montrés peu impressionnés par le résultat, par les résultats gouvernementaux et ont estimé que ce dont les familles ont besoin, ce sont des résultats concrets. Le Bureau des obligations familiales a quelque 188 000 dossiers actifs. Nouvelle en bref, vous avez certainement entendu parler de ça. Les têtes à claques de Michel Baudet sont les vedettes de publicité qui vantent les mérites de bâtonnets glacés à saveur artificielle de chocolat et de bonbons de marque Vertigo aux États-Unis. Dans un court article sur technote.com, Hugo Dumas précise que ces messages publicitaires ne seront diffusés qu'aux États-Unis, mais il est cependant possible de les visionner sur Internet. Vous pouvez aller voir sur le vertigocandy.com. Ces vidéos sont offertes sur YouTube aussi depuis la semaine dernière. Si vous tapez Vertigo, les 3 clips de 15 secondes utilisent les mêmes techniques que les vidéos de tête à claque, c'est-à-dire des petites figurines. Bon, vous connaissez le principe. Et puis l'humour est à peu près le même que dans les têtes à claque. Quand même intéressant. Allez voir sur YouTube et tapez Vertigo. Et puis, Philippe Schnob de la salle des nouvelles de Radio-Canada, selon le site de Radio-Canada, cherche présentement des blogueurs qui seront actifs le 26 mars au soir aux quatre coins du Québec pour les élections. Si c'est votre cas, eh bien, il vous invite à lui envoyer un courriel pour vous présenter. Vous pouvez aller voir sur l'article Philippe Schnob et le DGE ont besoin de vous. C'est sur le unechance.com dans la section La boucle. Et puis, regardons un petit peu ce qui s'est recherché cette semaine sur Google aux États-Unis, hein, parce que Google, vous le savez, c'est une très, très bonne place. C'est là que les gens recherchent les choses qu'ils préfèrent rechercher. Et pourquoi est-ce que le site devient toujours en français à chaque semaine que je vais y aller? C'est toujours le fun comme ça. Le Zeitgeist pour la semaine qui se termine le 17 mars. En cinquième position, on retrouve l'acteur Sinbad, on vient d'en parler. En quatrième, c'est le NIT, le National Invitation Tournament. Hein? C'est quand même bien. Ensuite, on retrouve en troisième CBS Sportsline, un site de sport. En deuxième, NCAA Bracket pour le basketball. Et en première, Richard Jenny, qui est un acteur et un comédien américain. Voilà les mots-clés les plus recherchés sur Google aux États-Unis cette semaine. Si on va voir un petit peu sur la toile du Québec pour voir les mots-clés les plus recherchés ici, même au Québec. En cinquième, c'est le banquier. En quatrième, tête à claque. En troisième, l'Auto-Québec. En deuxième, Hotmail. Et en première, Horoscope. Les gens, oui, les gens cherchent encore Hotmail. À la place de taper hotmail.com, tu passes par la toile du Québec et tu cherches Hotmail. C'est très, très, très logique. Et regardons un petit peu avant de passer en publicité ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. C'est dimanche en Oregon que le père du langage de programmation Fortran est mort à l'âge de 82 ans. C'est en 57 que John Backus a inventé cette nouvelle façon de programmer alors qu'il était à l'emploi d'IBM, un langage de programmation qui a permis à l'époque de passer de 1000 ordinateurs à 47 ordinateurs pour faire la même opération. Le 19 mars 1972, John Vincent Atanasoff a été jugé l'inventeur officiel de l'ordinateur. Hein? C'est bien. Le 22 mars 1993, Intel a commencé à envoyer ses processeurs Pentium. Et le 23 mars 1928, Gene Samet, un pionnier des ordinateurs, est né à New York. Pour plus d'informations sur chacune de ces personnes, chacune de ces gens, allez voir le www.unechance.com, une chance qu'on a, unechance.com, tout est là. Il y a aussi la deuxième partie de la boucle qui s'en vient plus tard, ainsi que vos chroniques préférées. On va parler de gadgets un petit peu aussi. Tout ça au retour à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est Fou 89 FM. La connexion, une présentation à Playbox, 3110, boulevard des Forges. Bonjour, c'est la deuxième moitié de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante. Dans cette deuxième partie, on va faire la suite des nouvelles de la semaine dans la boucle. Mais avant, on continue notre série en concert. On est rendu à la 12e pièce de 25. C'est par MV l'artiste et voici Darkest Omen à la connexion sur C'est Fou 89.fm. Thank you. La deuxième partie de la série, on consacre au Symphonic Cinematic Interpretation. C'était Darkest Omen par Envy. La pièce utilisée dans le jeu Chrono Trigger sur Super Nintendo, c'était Black Dream. Allez voir chrono.ocremix.org pour plus d'infos. Mais en général, ce que c'est une composition, une collection de pièces de différents artistes qui veulent faire la trame sonore d'un film fictif qui parlerait de Chrono Trigger. N'est-ce pas génial? Très, très bonne collection. On va suivre ça. Il nous en reste quelques-unes. Il y a 25 pièces en tout. La semaine prochaine, les pièces 13 et 14, j'imagine. Ah, quand même. Donc, on continue la boucle. Le filon de nouvelles qui s'est passé cette semaine. Il y a tellement eu de choses, ça n'a même pas d'allure. On commence par l'École de technologie supérieure qui accueille à nouveau le plus important LAN party de l'Est de l'Amérique du Nord ce week-end à Montréal. Les organisateurs attendent plus de 500 participants à des tournois de jeux en réseau local pendant 48 heures sans arrêt du vendredi 23 mars à 18 heures, c'est-à-dire demain pour ceux qui écoutent la diffusion originale. Ça commence à 18 heures et ça se termine le dimanche 25 mars aussi à 18 heures. Les participants au LAN ETS vont avoir le choix parmi 9 tournois de jeux vidéo, Battlefield 2 et Battlefield 2142, Call of Duty 2, Counter-Strike, NHL 2007 sur PC, Quake 4, Trackmania Nations et Warcraft 3 Frozen Throne. Pendant le week-end, l'ETS va également être l'hôte des finales régionales de l'Electronic Sports World Cup 2007. La Commission du droit d'auteur du Canada vient de dévoiler sa nouvelle politique en matière des redevances qui devront être payées aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique par les services de musique en ligne pour reproduire et autoriser les reproductions de chansons. La Commission a décidé que les iTunes, Archambault, Zik et PureTracks vont devoir remettre aux ayants droit 8,8% du montant payé par le consommateur pour télécharger une chanson sur son ordinateur. Les services de musique en ligne qui offrent des téléchargements limités par abonnement vont payer 5,9% des revenus mensuels des frais d'abonnement et les services de musique en ligne qui offrent des transmissions sur demande vont devoir remettre 4,6% des revenus mensuels des frais d'abonnement. La vente de musique en ligne représenterait 7,2% des ventes totales de musique enregistrées en 2006. En 2005, on parlait de 3,6, ça a plus que doublé. Selon une étude américaine publiée dans le journal Le Devoir, les ordinateurs branchés sur Internet sont la proie d'attaques de pirates informatiques toutes les 39 secondes en moyenne. Et 2224 par jour, c'est le nombre d'attaques qu'a pu répertorier sur 4 ordinateurs témoins pendant 24 jours l'équipe du professeur Michel Cuquier, professeur associé au Clark School Center for Risk and Reliability and Institute for System Research de l'Université de Maryland. Pour la première fois, son équipe a pu quantifier de façon assez précise l'activité des pirates informatiques qui sévissent à partir d'Internet. Tout en observant la fréquence de leurs assauts, elle a réussi à dresser un répertoire des mots de passe et des noms d'utilisateurs les plus couramment utilisés pour s'infiltrer dans les ordinateurs. Cette étude, qui portait sur des ordinateurs utilisant le système d'exploitation Linux, a révélé que le nom d'utilisateur root ou racine était le plus fréquemment testé par ces logiciels, 12 fois plus que ADM ou admin, qui se classait deuxième. Parmi les autres noms préférés de ces logiciels délinquants figuraient test, guest comme dans invité, info et user comme dans utilisateur. Le professeur Cuquier rassure cependant en ajoutant que la plupart des tentatives provenaient des mêmes sources, soit 229 ordinateurs différents pour 269 262 tentatives d'infiltration. Seulement 824 attaques ont réussi à percer les systèmes de défense des ordinateurs témoins et par la suite, l'attaquant a utilisé l'ordinateur arnaqué pour effectuer des opérations dans seulement 182 cas. J'ai posté sur le www.unechance.com un article de Clubic.com qui parle du CBIT, donc mot de la fin, babes et insolite. Donc le CBIT, la grande messe annuelle de l'informatique, a touché à sa fin récemment après 5 journées de stand et d'annonces. Enfin, allez voir l'article pour tous les détails des photos, des vidéos, des belles filles et un paquet de produits et de choses qui ont été annoncées et montrées au CBIT. Présenté rapidement en début de septembre, puis dévoilé officiellement au Macworld en janvier, l'Apple TV devait initialement être disponible début février. Eh bien, ils ont été victimes d'un retard qui a reporté sa livraison à la mi-mars. L'Apple TV est officiellement disponible maintenant sur l'Apple Store. Ce petit boîtier permet de consulter en streaming les contenus photos, audio et vidéo stockés sur une machine distante. C'est un disque dur de 40 gigs et on parle d'USB 2.0, port Ethernet, prise HDMI, connectivité Wi-Fi 802.11n. Ça se synchronise à iTunes de la même façon qu'un iPod, donc c'est un iPod pour votre télé, si vous voulez. Parlons un petit peu de jeux vidéo. L'ordre des mots, Jack Thompson est poursuivi par Take-Two. Take-Two poursuit Jack Thompson. Et ce n'est pas un désordre des choses, c'est bien vrai. Take-Two On a plus qu'assez de se faire poursuivre par Jack Thompson à l'habitude, qui tente en vain d'interdire la vente des jeux violents. Et bien, Take-Two affirme que les poursuites de Jack Thompson sont inconstitutionnelles et vont à l'encontre du premier amendement. Ils disent que ces attaques ont un impact négatif sur leur relation avec les distributeurs qui se font souvent entraîner dans la mêlée contre leur gré. Ils veulent se protéger de toute attaque éventuelle en empêchant Jack Thompson de les poursuivre au sujet d'un de leurs jeux. Donc, Take-Two poursuit Jack Thompson, on vous tiendra au courant. Microsoft n'est pas du tout découragé par l'aventure entreprise afin d'apporter sa série Halo vers le grand écran, le cinéma. En effet, la firme a annoncé qu'elle a fait le tour des studios hollywoodiens afin de porter la franchise Gears of War sur grand écran. Selon les informations disponibles pour le moment, New Line Cinema serait le studio chargé de la production. Stuart Beattie, celui qui a travaillé sur Collateral et Derailed, en serait le scénariste. Et Marty Bowen, ainsi que Wick Godfrey, en seront les réalisateurs. Donc Gears of War au cinéma, on suivra le dossier encore une fois. Selon le magazine américain Game Informer, la Xbox 360 Zephyr, dont on a déjà parlé à l'émission il y a quelques semaines, pourrait être commercialisée vers la fin du mois d'avril aux États-Unis et au Canada à un tarif de 479 $. Ce modèle de couleur noire, tout comme serait la manette noire, et là on parle de Xbox 360 qui d'habitude est blanche, embarquerait un disque dur de 120 gigs ainsi qu'un port HDMI accompagné du câble adéquat. Game Informer précise aussi qu'il serait possible d'acheter le disque dur de 120 gigs à part pour moins de 200 $. Big deal! Et si le déballage d'une telle information à cette période de l'année fait songer à un poisson d'avril, selon l'article de GameCult.com, la multiplication des rumeurs concernant cette nouvelle Xbox 360 commence à lui donner une certaine crédibilité. C'était au moment où l'article a été posté, c'est-à-dire hier, mercredi 21 mars, pour ceux qui écoutent en direct. Ensuite, l'Europe. Ah oh, oui, l'Europe. L'Europe, bastion de la langue française, je sais pas. Donc, l'Europe ne sera pas la seule à bénéficier des ajouts de la mise à jour 1.6 du firmware de la PlayStation 3, une mise à jour qui est censée principalement améliorer la rétrocompatibilité avec les jeux de la gamme PlayStation 2. Donc, prévue pour tous les continents aujourd'hui, le 22 mars, la mise à jour du firmware pour que vos jeux de PlayStation 2 fonctionnent mieux sur la PS3. Donc, cette mise à jour réserve des fonctionnalités un peu plus poussées pour la navigation web, comme la possibilité de zoomer sur la page affichée, ou un ajustement de la résolution en fonction du site visité. D'autres ajouts sont prévus, à commencer par le clavier interne de la console qui prendra davantage de place à l'écran pour être plus visible et pratique. Il y a plusieurs autres affaires aussi, blablabla, c'est un paquet de choses. Et même que c'est vraiment intéressant. La mise à jour va être compatible avec l'application Folding at Home qui va apparaître dans la barre de navigation. Si vous connaissez pas Folding at Home, allez voir Wikipédia, l'article est très très détaillé. Folding, F-O-L-D-I-N-G, A commercial, Home, H-O-M-E, tout ça en un seul mot. Mais tout ça, l'article, la raison que je l'avais choisi, c'est pour aussi vous dire que la PlayStation 3 va être lancée demain, le 23 mars, en Europe. Ça fait longtemps qu'on l'a ici. Eux vont enfin pouvoir goûter à ça. Et on va enfin pouvoir voir si ça va être aussi un flop là-bas. Enfin. Si la Xbox 360 a encore quelques années devant elle, Microsoft ne néglige pas pour autant sa future remplaçante. Interrogé par le magazine Electronic Gaming Monthly, le vice-président de la division Interactive Entertainment, Peter Moore, chez Microsoft, a indiqué que l'équipe en charge de la production travaillait déjà sur le prochain modèle de Xbox en prenant en considération les processeurs de pointe qui vont être sur le marché à l'horizon en 2011-2012, ce qui porterait le cycle de vie de la Xbox 360 au-delà des 6 ou 7 ans selon des calculs savants, même si on sait que l'introduction des consoles de salon se fait généralement à prix cassé et au profit d'une technologie légèrement en avance sur son temps. Ce que ça veut dire, c'est que souvent la console est vendue pour un prix beaucoup moins cher que ce qu'elle a coûté à faire. L'allongement du cycle de vie de la Xbox 360 permettrait naturellement à Microsoft d'équilibrer les pertes de et puis de dégager des bénéfices sur les coûts de production. Donc, Xbox 700... J'essaie de faire 360 x 2, je ne suis pas capable. On va laisser faire, OK? 720. Oui, 720. Yeah. Et voilà. Ça c'est vraiment intéressant. J'ai pas eu le temps de lire l'article au complet. Je vais vous laisser aller le voir sur le site unechance.com. Il s'appelle Colorado Woman Sues to Hold Web Crawlers to Contracts. Donc, c'est une propriétaire d'un site web, Susan Shell, qui poursuit, OK? Elle poursuit l'Internet Archive. Vous connaissez archive.org, qui est le site qui archive, d'où son nom, toutes les pages web depuis le début des temps, ou presque. Si vous voulez voir de quoi avait l'air le site de C'est Fou en 99, mettons, en 2000, je pense que vous devriez pouvoir le voir. Hein? Je sais pas si ça recule très très loin, mais en tout cas. Donc, c'est ça. Donc, cette femme-là poursuit Internet Archive. On va suivre ce dossier-là, évidemment. On sait pas comment il va pouvoir réussir à gagner ça, mais enfin bon. Je trouvais ça vraiment intéressant quand même de savoir que quelqu'un pouvait penser même à faire ça. Mais bon, que voulez-vous? C'est la société d'aujourd'hui. Maintenant, regardons, avant de continuer l'émission, le top des jeux les plus loués cette semaine chez le Superclub Vidéotron. Pour la semaine dernière, en cinquième position, on retrouve Grand Theft Auto Vice City Stories sur PlayStation 2. En quatrième, c'est un jeu sur Nintendo Wii, Wii Play. En troisième, Def Jam Icon sur Xbox 360. En deuxième, Motor Storm sur PlayStation 3. Et en première, c'est Ghost Recon Advanced Warfighter 2 ou GRAW 2 sur Xbox 360. Intéressant. Pendant que j'ouvre un petit peu les fenêtres de ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire des jeux vidéo, mentionnons qu'à venir, restez avec nous sur C'est fou cet après-midi, un paquet de bonnes choses qui s'en viennent. Si vous écoutez le jeudi, restez là pour la rediffusion des Palmarès C'est fou que j'anime avec Cynthia Paquette-Grenier. Et puis si vous écoutez le mardi, restez à l'écoute pour le bon poste au bon moment avec nos amis Frédéric Lévesque-Saint-Don, Jeanne Guévremont et Eugénie Bergeron. Côté, l'équipe est toujours là, est toujours super sympathique et ça passe un bon moment l'après-midi, ça. Vraiment, hein? Très bonne affaire. D'accord. Maintenant que j'ai assez rempli pour pouvoir vous faire ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire des jeux vidéo. En 2001, le 21 mars, Nintendo sortait F-Zero Maximum Velocity pour Game Boy Advance au Japon. En 2001, Nintendo sortait en fait la Game Boy Advance, la console, au Japon. Incroyable, mais toujours sans lumière à ce moment-là. La Game Boy Advance, oh, le bon vieux temps où la Game Boy n'était pas jouable à l'extérieur. Le 20 mars, en 1997, Konami sortait Castlevania Symphony of the Night pour la PlayStation au Japon. Et en 2002, Hudson Soft sortait Bloody Roar Primal Fury pour la GameCube aux États-Unis. Le 19 mars, en 1973, Konami refocus, comme on dit, leur modèle d'affaires pour inclure la manufacture de machines d'amusement pour les arcades. Ils faisaient pas ça avant. Et en 1994, Nintendo sortait Super Metroid sur la Super Nintendo au Japon. Toujours un jeu aussi populaire aujourd'hui. Le 18 mars, en 98, Atari reçoit un brevet pour leur Force Feedback Steering Technology. Ce qui voulait dire que Sega a dû négocier la licence pour tous ses jeux d'arcade qui utilisaient ce Force Feedback, si je comprends bien. Atari était le propriétaire, vert le propriétaire de ce brevet jusqu'en 2010. Et après ça, Sega va pouvoir faire « Oh yeah ». En 2004, Nintendo sortait The Legend of Zelda Four Swords Adventures pour la GameCube au Japon. Le 17 mars, en 1994, Konami sortait Castlevania Bloodlines pour la Genesis aux États-Unis. Et en 98, le designer de Total Annihilation, Chris Taylor, quittait la compagnie Cave Dog Entertainment. Voilà, c'est bien. Le 16 mars, en 1995, SNK sortait la Neo Geo CD au Japon. C'était la suite de la console Neo Geo. Et en 2004, Atari sortait Unreal Tournament 2004 pour le PC aux États-Unis. Et on termine par le 15 mars. En 98, Electronic Arts sortait SimCity 3000 pour le PC aux États-Unis. Et en 2002, Sony sortait Resident Evil pour au cinéma. Ah oui. Ah, je me rappelle. En 2002, ça fait si longtemps que ça. Wow, 5 ans. Enfin, le premier film de Resident Evil avec Mila Jovovich. Ça fait le tour de ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Voilà quelque chose d'absolument magnifique. Et pendant qu'on est en train de faire des petites chroniques comme ça, regardons, tiens, choisissons une console au hasard. Choisissons, disons, la Xbox originale. Est-ce que ça vous tente de voir les jeux qui sont les plus populaires sur la Xbox originale en ce moment? Ah, c'est dommage parce que ça dit qu'il n'y en a pas. C'est vrai, ils ont enlevé leur top. Enfin. Allons choisir une console plus récente. Peut-être que ça va me faire un petit peu moins mentir. Regardons sur Xbox 360 les jeux les plus... en même temps que tout fonctionne ici. Oui, voilà. Donc, c'est les jeux qui sont présentement les plus populaires en tout. Non seulement pour les jeux qui sont sortis, mais pour les jeux qui sont aussi pas sortis. En troisième, on retrouve Gears of War avec un score de 9.6. C'est de Microsoft. En deuxième, Lost Odyssey de Microsoft aussi, qui va sortir dans le quatrième quart de 2007. Et en première, c'est Huxley, un jeu sur Xbox 360 qui va sortir en 2007, mais on sait pas encore la date. Il s'appelle quand même Huxley. Regardons un petit peu ce qui est sorti cette semaine. Hein, vous, amateurs de jeux, vous avez tellement hâte de vous mettre la main sur un paquet de choses. La plus grosse sortie de la semaine, selon artgamers.com, c'est Stalker, S-T-A-L-K-E-R, avec des points entre chaque, qui commençait, à l'instar de Iron Lord 2 ou de Duke Nukem Forever, à devenir l'Arlésienne du jeu vidéo. Qu'il parle donc bien, bien. Non, mais c'est un jeu qu'on croyait qu'il sortirait jamais. Hein. Et puis voilà, il y a aussi la sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles. Mais bon, allons-y en ordre. Commençons par les jeux qui sortent sur plusieurs consoles. TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles, sort sur DS, Game Boy Advance, PC, PS2, PSP, Xbox 360 et Nintendo Wii, hein, multimédia. Test Drive Unlimited sur PC, PS2 et PSP. UEFA Championships League 2006-2007 sur PS2, PSP, Xbox et 360. Puzzle Quest Challenge of Warlords sur DS et PSP. Armored Core 4 sur PlayStation 3, Xbox 360. Et Virtua Tennis 3 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Sur DS, Custom Robo Arena, un jeu qui excite vraiment beaucoup les fans de Nintendo. Ensuite, Major League Baseball 2K7, Steel Horizon, Theme Park et Yu-Gi-Oh! World Championship 2007. C'est comme s'il sortait un jeu de Yu-Gi-Oh! À chaque mois, on dirait. Vraiment. Sur Game Boy Advance, Nickelodeon Volume 1 4-Pack et Pets Vet. Oh, ça me fait penser, qu'est-ce qui s'est passé avec l'idée de sortir des films et des émissions de télé sur Game Boy Advance? Ça a comme disparu d'un coup sec, hein? On n'entend plus du tout parler de ça. Enfin. Sur PC, Top Spin 2, Fear First Encounter Assault Wrecking Gold, Genesis Rising The Universal Crusade, H.C. Anderson's Ugly Prince Duckling, Stalker Shadow of Chernobyl et Silent Hunter 4 Wolves of the Pacific. Et là-dedans, chacun des jeux sauf Top Spin 2 a un nom et un sous-titre. Donc faites attention de voir lequel va avec lequel. Hein. Sur PlayStation 2, Shining Force EXE. Sur PlayStation 3, Elder Scrolls 4 Oblivion et The Godfather The Dawn's Edition. Oh, le parrain. Sur PSP, Afterburner Black Falcon, Dragon Ball Z Shin Budokai Another Road. Wow. Dragon Ball Z Shin Budokai Another Road. Très, très, ça coule sur la langue. Et puis Full Auto 2 Battle Lines. Et sur Xbox 360, il nous reste Tetris Evolution. Oh, un nouveau Tetris. Et Earth Defense Force 2017. Et finalement, il nous reste une seule console sur la Nintendo Wii. Blazing Angels The Squadrons of World War II. En deuxième, Cooking Mama Cook-Off. Ensuite, Koro Rimpa Marble Mania. Ensuite, The Godfather Black Hand Edition. Et finalement, Wing Island. C'est une des très, très grosses semaines que j'ai vues jusqu'à maintenant, au moins dans cette saison-ci. Parlons un petit peu, tiens, de gadgets. Mais avant de parler de gadgets, oh, je regarde ça et la pièce numéro 13 de la série En Concert me tente particulièrement. On va prendre quelques petites secondes pour ça et écouter cette 13e pièce. On revient avec un petit peu de gadgets et quelque chose que j'ai trouvé sur Internet dans la chronique Autour du Net. Vous écoutez La Connexion, émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. L'émission qui vous parle de ce qui s'en vient et de ce qui s'est passé cette semaine. Sur C'est fou 89.1 FM, restez avec nous. Pièce de la série On Consacre au Symphonic Cinematic Interpretation. L'artiste Sapphire avec Confronting the Magic, ça vient des pièces de Chrono Trigger qui se nomment Battle with Magus et Lavos's Theme. Voilà, allez voir chrono.ocremix.org. Changement de plan, donc la semaine prochaine sera les pièces 14 et 15. Regardons quelques gadgets en même pas une minute. Rapidement, je vais même pas parler de gadgets, je vais laisser les liens sur le site, mais on parle d'une radio numérique. On parle d'une façon de contrôler vos jeux par la pensée. Il y a aussi un évier qui fait couler du savon sur vos mains pour que ça fasse de la mousse automatiquement. Il y a aussi un régulateur de volume pour votre télé pour plus avoir les publicités beaucoup trop fortes. Il y a un paquet d'autres choses aussi. Qu'est-ce que je pourrais bien mentionner? Quelques jeux que j'ai postés. Bubble Tanks. Oui, Bubble Tanks. Et puis, quelques trucs sur Internet. Si vous voulez passer un bel après-midi cet après-midi, hein, si vous avez un petit peu de temps libre, allez sur le www.unechance.com. J'ai posté un real-life Mario Kart. Des gens qui ont simulé Mario Kart en vrai. Il y a aussi, chaque jeu de Super Nintendo est vendu sur eBay dans une seule grande enchère. Elle devrait encore fonctionner au moment où l'émission est diffusée en direct. des photos et un article sur une femme qui est allergique à la vie moderne. C'est-à-dire que les micro-ondes et les affaires de téléphone cellulaire, ça lui fait des yeux rouges. Hein. Ça lui fait faire des genres de boursouflements. Il y a aussi un gâteau d'anniversaire en forme de Nintendo DS. Et puis, on se laisse là-dessus. On se laisse là-dessus, c'est malheureux. Oh, attends, j'ai quelques petites affaires. Quelques règles, quelques trucs de sécurité sur Internet. Les vraies femmes ne s'appellent pas comme Slurper19 et n'envoient pas de photos nues d'elles-mêmes à des gens qu'ils ont rencontrés il y a 5 minutes. Deuxième truc, c'est vraiment des genres de petits pictogrammes. Ne le faites pas. Non, ce n'est pas drôle, ça n'a jamais été drôle, arrêtez de le faire. Un chiffre sur un site web ne veut pas dire que vous êtes vraiment populaire, par exemple sur MySpace. Allez voir les pictogrammes, j'y trouve très très cool. Mais c'est la fin de la connexion pour cette semaine. Merci d'avoir été là, on se retrouve jeudi prochain. Évidemment, notre émission continue en ligne. Si vous avez raté une partie de l'émission, allez voir le unechance.com et puis écoutez la rediffusion et la diffusion originale jeudi midi ou mardi midi. Moi, je vous retrouve à la chance au courant les vendredis à 10h et les samedis à 17h et dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h et les samedis à 13h. De la part de moi-même, Mathieu Plante, faites attention à vos joues, s'il vous plaît. Bonne semaine et bonne chance. Dash.com.